Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Michel et Bruno, ce soir, on a plein de bonne musique pour vous. Et puis, même, on va commencer avec une petite nouveauté. En fait, le disque va être disponible à partir du 27, c'est-à-dire, je pense, c'est mardi prochain. Le nouveau Glasshammer. Donc, je pense que ça va faire plaisir à plusieurs. Valkyrie, c'est leur 17e studio, sauf erreur. Et puis, je suis rendu peut-être à ma 25e écoute. Je vais vous dire que je suis très impressionné. Les gars réussissent encore à trouver le tour de nous amener ailleurs. On pensait qu'après 17 albums studio, il avait fait le tour du jardin, mais ce n'est pas le cas. Et puis, je pense que c'est un des bons qu'ils ont produit depuis, mon Dieu, peut-être, en tout cas, depuis un bon moment. Donc, Valkyrie de Glasshammer, un album concept qui tourne autour de la guerre. Et puis, un disque d'espoir, comme le dit Steve Babb, mais lointain. Je pense que mon ami Bruno est parti. Oui, tu es de retour. Parce que là, j'étais pour dire on y va. On y va. Donc, on commence cette édition de Terra avec une nouveauté. Glasshammer, Valkyrie. My head, and I dreamed of you. My heart is strong. the sky. A tree and a rock I see, that's the place for me to be. Dragonflies encircle me, giving me strength, giving me peace. An eagle hunts and rules forever as my life slips away. I feel now the wind's favor under my wings. Isn't there anything in my way, in my way? We'll be right back. Ça, ça déménage, hein? Petit côté Emerson un peu. C'était Nexus. Un peu pas mal, là, je dirais. Ouais. Bonsoir, Michel. Bonsoir, chers auditeurs. Ben, écoute... Les claviers d'un Nexus, là, c'est... Oui, d'accord. Je ne voulais pas être trop... Non. Il n'y a pas de copie, mais... Catégorique. Écoute... Les amateurs de ce genre de son de clavier-là là, sont ravis avec Nexus. Mais j'ai entendu que récemment, il y avait de nouveaux enregistrements. Parce que celui-là, il date de 2012. C'est le dernier qu'il avait fait. Et puis, ben, c'est vrai que 2012, quand même, ça fait quelques années. Là. Et puis, ben, c'est le genre de groupe talentueux qu'on aimerait avoir des nouvelles plus souvent, le Nexus. Oui, effectivement. Puis avant, on avait Sky Architect, un groupe qui nous a visité d'ailleurs dans le cadre de la convention Terra Incognita. Mon Dieu, ça doit faire quelques années. Oui, puisque c'est juste avant cet album-là. Puis ouais, lui, il date de 2011. Ça doit être en 2010. 2010, oui. Ça a 6 ans. Ouais, moi, c'est parce que là, le temps... Ça, oui. On en parlait la semaine dernière, puis j'ai vérifié après. Là, c'était comme Eden Song. Là, il était venu en 2010 aussi, je pense. La même année. Okay. En tout cas, ouais, ça fait quand même un bon bout. Ah mon Dieu. Bon, enfin, moi j'ai comme beaucoup de difficultés maintenant de se situer dans le temps. Là. Ça nous prendra toujours le guide de référence. C'est pour ça que je garde tous mes billets de concert. Ça, c'est la meilleure. Et puis, ben, on avait Van der Graaf avant, c'est ça, c'est A Grounding in Number. C'est aussi leur plus récent album, mais là, il va en avoir un la semaine prochaine qui sort un nouveau Do Not Disturb le 30 septembre. La rumeur veut que... Ça serait, selon ce que Peter Lamelle a dit, leur plus prog en carrière. Alors, faut... Eux aussi, là, ça faisait 5 ans. Puis, ce qu'ils disaient, c'est que ils l'ont fait comme si c'était peut-être leur dernier, parce que là, faut comprendre que... il arrive des événements là, dans les dernières années, mais en tout cas, on ne sait jamais. Ça ne sera peut-être pas le dernier, mais il semble qu'ils ont mis le paquet, comme on dit. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir. Je vais vous en faire entendre. Je vais le recevoir bientôt. Parfait. On va être à l'écoute. Donc, le nouveau Van der qui s'en vient, bonne nouvelle. Mettons que la cerise sur le Sunday, là, c'est si tu m'avais dit que David Jackson était de retour, mais ce n'est pas le cas. Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout, malheureusement. Bon. Dans un sens, mais le groupe a évolué d'une autre façon. Non, mais tu sais, ça aurait été comme la petite gâterie. Là. Probablement, oui. Bon. On va continuer. Je pense qu'on peut dire que c'est un projet américain, le Pride Collective. Ça, c'est un choix de Bruno. Le père Bruno l'a pris juste parce que Nick Turner était sur la pièce, d'ailleurs. Ah! Ouais. Ça, c'est un fan de Nick Turner, Bruno. Là. Même, il s'est fait tatouer Nick Turner sur un bras. Donc, ça vous donne une idée comment ce qu'il aime Nick Turner. Ça, c'est un projet que ça doit faire quelques années. Il fait tellement de choses, Billy Sherwood, que... Écoute, il y a une tonne d'invités sur ça. Ça va de Rick Wakeman, John Wetton, jusqu'à William Shatner. Oui, qui récite là, des poèmes avec des musiques prog. Oui, puis Sherwood a même fait un disque complet avec Shatner. S'il vous plaît, faites attention. Faites pas ce que j'ai fait. C'est peut-être pas aussi bon que Prime Collective. Merci du conseil. Oui. Non, on y va avec un extrait qui a pour titre In Our Time, et puis ben, ça m'en vedette Nick Turner, sax et flûte, un ancien Hawkwind. Et puis, ben, on a bien d'autres choses jusqu'à minuit. C'est Marc, Bruno et Michel. We have It's happening. again. Our silence will be eased. Thousands thought dead are marching again. Cycle of hate, stupid is the human race. Our silence will be used. Slow down and open your mind. Stand up and look at the world. Stand up. Just because you can. but a melody, beautiful yet haunting me. I am you as you are me, and I will fly forever. We'll be right back. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hey, merci. Tu peux-tu arrêter de filmer Chris, ce tabarnak? Des fois, il y a du monde qui font pas mon enfer. T'sais. Avant ça, moi, là, j'y ai collé ça de voler. T'sais. À ça, je peux plus faire ça. Écarté, un film de Laurence Côté-Collins. À l'affiche au cinéma Le Clap dès le 30 septembre. Tu aimes pas ça, là? Mais non. Eh non. De retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Ben, ce qui vient de jouer, la pièce instrumentale, ça nous vient d'un groupe américain qui a pour nom Dream The Electric Sleep, de leur plus récent et troisième album, qui a pour titre, Marc? Beneath the Dark White Sky. Moi, je dois dire que... Un tournant un peu plus rock, un peu plus carré là, par rapport au précédent, Heretic. Moi, ça, ce disque-là... Qui avait un petit brin de folie. Ah, là, écoute, t'as juste à dire le titre, puis j'ai le poil me dresse sur les bras. j'ai adoré Heretic. Celui-là, je l'ai abordé avec Heretics en tête. Et puis, j'ai été comme un peu déconcerté au début, là, vraiment. Je me suis dit, oh, attends un peu. Non, là, on n'est plus sur la même planète. Mais il ne faut pas partir de même. Mais c'est, non, oui, c'est ça. Parce qu'après c'est ça, juste qu'il est comme, il est plus... Il est plus rock. Plus rock. Plus rock. Peu, ouais. C'est le mot, là. Il ouais. est plus rock. On dirait qu'il est plus songé, planifié quasi là, pour jouer un peu plus, puis rejoindre un autre public aussi. Mm. Oui, oui, oui. Ouais, mais je pense que c'est ça le but. Là. Mais en tout cas, cette pièce-là, c'est excellent. Oh, il y a, oui. Il y a quand même plusieurs Puis comme on en parlait tantôt, il y a une pièce, moi, ça me fait penser à du Pineapple Thief aussi. Je ne me rappelle plus laquelle, là, mais il va falloir que je réécoute. Une fois le choc initial passé, là, faut que, c'est ça, je le tente de réapprivoiser sans penser à Heretics. Puis je pense, c'est drôle parce que je parlais avec Jean Roby, qui est chroniqueur là, pour le magazine Terra, oui. Puis il me demandait où commencer, il voulait savoir où commencer avec Dream the Electric Sleep. Là, j'y ai dit, écoute, commence avec Heretics, parce que c'est vraiment... Je pense que c'est la meilleure place pour commencer à oui. découvrir ce groupe-là. Je suis d'accord. Absolument d'accord. Bon. Juste avant, on avait Ricard Schoblum. Oui. J'ai pas encore vérifié ma prononciation. Tu n'as pas encore vérifié, mais ça, tu me déçois un peu là, parce ouais, que ouais, ouais. selon les critères de chroniqueur de l'Olympique, ouais. c'est ça devrait être pas loin de ça. Ça devrait être Schoblum. Donc, The Unbendable Sleep et M. Schoblum qui sera en spectacle à Québec. Et oui, le 16, ça s'en vient. Là, je commence à avoir des petits papillons. Là. Oui, c'est exact. Dans trois semaines, ben oui. C'est pas mal ben ça, oui, oh, oui, OK. Et c'est ça, à l'Anti, avec Necromonkey, aussi de Suède. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas Ricard de Schoblum, c'est le leader de Birdfish. Voilà. C'est ça, exact. Défunt groupe, d'ailleurs, parce que je pense que les gars avaient un peu de difficulté à se retrouver du temps ensemble pour travailler. Chacun est un peu plus de son côté. Il faut dire aussi que Ricard est rendu avec Big Big Train, membre de Big Big Train. C'est que ça draine un peu d'énergie aussi. Là. Je pense qu'avec ses projets solo, il est... Je pense que on arrive à un moment donné que tu te dis écoute, il y a juste 24 heures dans une journée. Et puis si les autres sont vraiment c'est ça, ils ont toutes des familles maintenant. Et puis bon. Comme dirait Greg Lake, c'est la vie. Mais ils trouvent du temps pour venir à Québec. Écoute, ça, on est vraiment chanceux. Je l'ai détourné de son chemin parce que en fait, il fait New York et Chicago. Et là, j'ai dit, On pourrait faire Québec. On pourrait faire un triangle. Ouais, c'est ouais, New York, ouais. Québec, Chicago. Et, voilà. Et c'est ce qui arrive. Donc, super, on va... donc, c'est un programme trip. Ça débute à 19h avec Necromonkey, avec Mathias Olsen, ex-Anglagarde et le claviériste des Gösta Berling Saga de la Suède. Ensuite, il y a Inner Odyssey. De Québec, que vous connaissez oui, sûrement. Donc, et puis c'est une formation un peu reformée là, depuis, oui, ben, depuis le Festival Terra Incognita, puis une belle dynamique dans ce groupe-là. Oh, effectivement. Non, et puis, d'ailleurs, Ricard, il va être avec deux musiciens. Est-ce que c'est deux ou trois écoute, musiciens? Écoute, il est supposé me confirmer okay. avec qui. Ça se peut que ce soit des membres de Birdfish ah, oui. ou de son autre groupe, le Gangfly. Gangfly, ah, oui, c'est ça. C'est un ou l'autre. Donc, enfin, ou peut-être, il me disait, peut-être aussi des gars qui ont joué sur son disque. Mais il va falloir qu'ils se décident vite, là. Non, non, mais écoute, je pense qu'il y a une idée, mais il ne veut pas le dire tout de suite. Ils viennent de la Suède, quand même. Ben, oui, oui, c'est des Suédois, il n'y a pas de doute, là, mais c'est ça. Donc, il m'a dit qu'il viendrait au moins en trio. Peut-être en quatuor, en quatuor, c'est ouais, ça, ouais. peut-être. C'est des places assises, puis il faut aller faire un tour sur notre site internet www.terraincognita.québec. Exact. Et puis, ou te contacter par courriel. Ben, le Terra Incognita mag. À hotmail.com. Exactement. C'est la meilleure façon. Ouais. Pour avoir des billets. Bon, on y va justement en musique avec Necromonkey. On en parlait, c'est que là, on va l'entendre. C'est Show Me Where It Hurts, c'est leur troisième là, album. C'est quand même un groupe assez expérimental, là, les types d'albums. Là. Oui, effectivement. Mathias Olsen, c'est drôle parce que on le retrouve, il a joué avec Wobbler, ou, il a joué avec White Willow, je pense plutôt. Il est assez actif de l'autre côté de la baie parce que lui est suédois, mais il est beaucoup rendu souvent en Norvège pour contribuer. Là. Et puis, ce Necromonkey, ça arrive comme une soucoupe volante dans le décor. Dans le décor, oui. Ça ne cadre pas avec ce qu'il faisait vraiment avant. Mais bon, c'est ça, le mot, c'est ça. Je pense qu'il expérimente un peu plus. Ouais, mais en spectacle, là, c'est intéressant. Dans le nouvel album, il y en a un en spectacle, la pièce qu'on vous a fait jouer il y a quelques semaines. Là, mais puis, là, c'est une en studio. En fait, les derniers messages que j'ai reçus de Mathias Olsen, c'est qu'ils sont en studio pour leur cinquième album. Okay, c'est ce okay. qu'il m'a dit. Bon. Donc, on risque d'avoir du nouveau matériel pour le mois d'octobre. Bon, on en écoute tout de suite, puis allez voir ça le 16 octobre à Lanty. Présenté par Terra Incognita. Eh oui. We'll be right back. across the schoolyard with head held down, and walk the streets under the breaking cloud, with 100 futures cascading out. It's complicated. You think of love as just a memory, a fog that smothers you, it's hard to breathe. But when you're on your own, that's when you're free. You're 3 years older and you'll always be now. I can feel you more than you really know. I will love you more than I'll ever show. There was a time when someone seemed to care, a tourist in your bed, you left him there and found a simple life with no one to share. It's not complicated. You make a list of all your big regrets and share with people that you've never met. You slowly move towards the medicine chest. You're 3 years older and you'll always be now. I can feel you more than you really know. I will love you more than I'll ever show. You only have to say, and the world will slip away from you. It's a war, war. We are black rocks. Anywhere the girls are afraid to know. War, war. From the south to the north, east and west, all the girls now forget about the rest. War, war. We are black rocks. Anywhere the girls are afraid to know. War, war. Everybody now. Ladies and gentlemen, this is Captain Gollum speaking with this assistant, DJ Cap. Welcome aboard on Global Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going crazy. Can't you feel the heat? We never stop. We wanna party like the sun never comes up. Everybody now. Bring the noise, boom boom, the bad brains are in town. Let me hear your zoom zoom. We gonna rock and we never stop. We wanna party like the sun never comes up. Black Rock City, don't you hear it all around? 27 bad brains driving round and round. Here comes the boss, bring the sound, boom boom. Everybody get up and let me hear your zoom zoom. Bad brains with a crazy fuss. Whoa, whoa, we are Black Rock City, where the girls are afraid to know. Whoa, whoa. So alright. You're ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. Hey, hey. This beat gets underneath your feet. Right now, together we will meet. This place will blow your mind away. Hey, hey. Welcome to the club now. Gonna bump it up now. This is an emergency. Music is my galaxy. Welcome to the club now. Everybody's up now. We got it going on until the break of dawn. Welcome to the club now. Gonna bump it up now. This is an emergency. Music is my galaxy. Welcome to the club now. Everybody's up now. We got it going on until the break of dawn. So put the record on. Here in line, open up the door, Mr. Frankenstein, 'cause we're here to dance the night away. Hey, hey. Oh, what a DJ. Welcome to the club now, gonna pop it up now, this is an emergency, music is my galaxy. Welcome to the club now, everybody's up now, we got it going on until the break of dawn. Welcome to the club now, gonna pop it up now, this is an emergency. Jump. Vous présente DJ on the mix. Un spécial. spécial de musique non-stop d'une durée de 30 minutes avec cette semaine DJ Michael Wine. special DJ in the mix, DJ Michael Wine. place beneath my skin, warm enough to keep you in. The light that shines in what remains, spiraling like leaves, tumbling into a breeze to imitate the wind again. in the mix, DJ Michael Wine. La voix du 50.